Écoutez, Françoise est en train d'acheter des chaussures. Quelle est votre pointure ? 37. Comment vous sentez-vous dans cette paire d'escarpins ?